Et si tu écoutes, j'annule tout avec vous, Charline Vanhoenacker. Et Alex Vizorek à mes côtés, toute bien une sûr. Bande. Alors, qu'est-ce que vous avez annulé, Marie-Gaëtane ? C'est notre question quotidienne, quand même. Bah alors là, pour le moment, jusqu'ici, rien du tout. Bah, écoutez, c'est pas grave, chose, hein. ça n'empêche pas. Trouvez vite quelque chose à annuler, je ne sais pas moi, vite, quelque chose. Bah, mon rendez-vous de ce soir, allez, j'annule comme ça, allez, voilà. Tout le monde le saura. De toute façon, c'est tout de suite. Hein. Écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charlie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait filer droit. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit Thierry Marx, ouais. Un grand chef. J'ai lu son livre et je veux qu'il sente que dans les cuisines de notre émission, ça roule. Ah bon, silence, mais attends, les filles, vous découpez la formation en petits morceaux. Oui, chef. Guillaume, tu préchauffes les fonds de casserole des journalistes. Okay, chef. Et Alex, tu dresses les assiettes de Van. Ça marche, chef. Voilà, je veux qu'on revisite ce plat de résistance qui est une émission d'info. Et toi, tu fais quoi là-dedans ? Bah, quoi, moi ? Ah ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement, bah, moi, je dirige, moi. C'est ça, un grand chef. Dans mon œil, vous devez savoir lire ce que vous avez à faire. Mais ça va bien ici, tu nous as jamais parlé comme ça. Nous, on est une émission de radio, hein, pas une brigade de cuisine. Ouais, hein, c'est vrai ça, on dirait Sarkozy à l'UMP. De quoi là. Moi, Sarkozy ouais, Sarkozy ouais, mais pour moi, c'est l'efficacité au travail. Oui, voilà. Il est efficace, le travail, on bosse dans cette émission. Ouais, c'est marrant que ça soit toi qui dis ça, parce que t'es pas le premier non plus. Moi, je suis pas efficace. Bah, disons que t'es pas le Stakhanov du bureau. Ça quoi, va, venant de ta part, ça c'est extraordinaire. Bon, vous voyez qu'il vous faut un chef. Mais c'est à cause de toi qu'on s'est disputé. C'est vrai, il a raison, c'est ta faute, Charline, hein, si on c'est dispute, pas là. Ça, un chef. Bah, ça monte pas son équipe les uns contre les autres, comme non, ça. Non. Pardon, enfin, ça va, on va pas faire un plat. Non, on va pas en faire un plat, mais maintenant tu vas te rattraper. Alors tu vas trouver les sujets et les vannes. Oui, chef. Et les sons. Oui, chef. Et tu mets tout dans le conducteur. Oui, chef. Et nous, on revient vers 16h45. Oui, chef. À toutes. Salut. Non, mais il va falloir que je relise le bouquin de Thierry Marx, moi, sur le management. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, et ça va filer droit aujourd'hui, croyez-moi, car vous écoutez l'émission qui met l'actualité tout droit sur la route, dans la prise. Voici les trois informations qu'on va brancher jusqu'à 18h. Aujourd'hui, tout le monde est un électeur de la 4e circonscription du Doubs. Alors que faire ? Que faire ? Dans quelle étagère ? Même Nicolas Sarkozy est un électeur du Doubs qui dit non au FN pour ne pas dire... Who are you? We are the knights who say... Le comité d'entreprise est né après la libération. Il fête donc ses 70 ans. Pour l'occasion, le CE offre un pot. Vous allez voir. Le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance. La loi Macron propose de passer son permis de conduire avec un postier. Et si après ça, vous le ratez encore, vous prendrez le bus. Comme ça, tout le monde est content. Car, comme le dit mon facteur... La poste, on a tous à y gagner. Et pour brancher ces infos sur 100 000 volts, je suis accompagnée de l'électricien de la blague, qui est chargé toutefois d'éviter les courts-circuits. C'est Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, vous êtes un excellent chef, et vous le savez. Et aujourd'hui, autour de la table, toute votre équipe, toute notre équipe, que du produit frais, à 17h20, celle qui fut notre bonne affaire du Mercato. Une spécialiste de l'information scientifique, elle est capable d'expliquer des études dont les concepteurs eux-mêmes sont incapables d'expliquer pourquoi ils l'ont faite. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Vizorek. De quoi parlera-t-on ? Nous parlerons bien sûr d'Emmanuel Macron et des marmottes, puisque quand même le lien est assez flagrant. Voilà. À 17h30, l'homme qui se permet tout avec son micro France Inter, même si on sent régulièrement que ses interlocuteurs aimeraient le lui enlever, lui en coller une et puis le lui rendre, mais comme il est souriant, ils ne le font pas. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex Vizorek. On s'est rendu où ? Alors je vais vous parler de dialogue social aujourd'hui. Je suis allé interroger des salauds de patrons. Vous êtes charmant, je vous trouve aucun défaut. Alors attention hein, aux amalgames, il y a des patrons très bien et très lucides, hein, bien sûr. Et enfin, à 17h40, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, ou serait-ce plutôt, au regard de sa plus-value, la pastèque sur le petit four, the watermelon on the small oven, Miss Clara Dupont-Mono. Vous êtes le petit four. Je vous remercie. Alors, face au conflit à l'Est, il y a une seule solution finalement pour l'armée russe, et bien c'est lire des livres ukrainiens. Ah, oui, bon, Clara, ne vous laissez pas troubler. Hein. C'est par, vous qui cherchez. Par celui qui ressemble au prince de Lu. Allez, réagissez sur Twitter, hashtag annule tout, sur notre répondeur 01 56 40 69 51. Et nous sommes aussi sur Facebook où nous sommes pas loin d'avoir 10 000 amis. 10 000 amis. Mais 10 000 amis. 10 000 amis, totalement, que j'ai envie Medvedev partout. Il n'y a pas de liaison. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous entrez chez les Compagnons du Devoir en 78 quand Jean-Paul II sort de la fumée blanche. Vous décrochez votre première étoile en 88, l'année où est instauré le RMI. Et vous devenez juré dans l'émission Top Chef en 2010 quand un volcan islandais bloque l'espace aérien en Europe. Et vous êtes, je vous laisse le dire, Thierry Marx. Oui, c'est bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Thierry Marx, et on rappelle aussi votre engagement dans le milieu carcéral, bien sûr, qui continue toujours, Thierry Marx, vous visitez. Oui, bien sûr, dans le milieu carcéral, bien sûr, et dans le milieu social aussi, avec les écoles cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi. Content de retrouver Jean-François Copé prochainement. Je vous rappelle qu'il est mis en examen, oui, c'est ça ? Pardon. Respectons la présomption de culpabilité, s'il vous plaît. Thierry Marx, vous publiez L'homme positif, savoir être pour durer, chez Michel Lafon. Et alors, vous expliquez que dans cet ouvrage que la cuisine est un outil de réflexion managériale. Alors, dans une période où on reparle du service militaire, vous étiez vous engagé d'ailleurs, ou du service civique plus traditionnel, est-ce que vous conseilleriez dans le climat qu'on vit actuellement, ces pertes de repères, etc., de faire par exemple un service civique en brigade? Je crois que ce qui est important, c'est de retrouver des cadres éducationnels choisis. Il faut aider l'école à cela, et l'entreprise aussi. Donc l'armée, oui, pourquoi pas. Le service civique, oui, pourquoi pas. Mais c'est surtout le cadre éducationnel, le modèle qu'on choisit pour s'aider à grandir. C'est ça qui me paraît important. Tout redire, bah, c'est à cause du service militaire qui a disparu, que les choses ont mal tourné. Non, ce serait un peu raccourcir les choses. Mais choisir un cadre éducationnel, moi j'ai choisi les Compagnons des Devoirs à une époque, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des adultes qui m'ont montré des voies possibles, des voies positives, et qui m'ont surtout montré l'idée d'un projet. Et ça, ça aide beaucoup pour se construire. La devise des Compagnons du Devoir, vous le rappelez dans l'ouvrage, hein, qui est « L'exemple est la seule preuve d'autorité ». Et vous, vous êtes un exemple aujourd'hui. C'est toujours difficile, il faut le travailler au quotidien pour être un exemple. Et j'essaie d'être un exemple, je peux avoir mes erreurs, j'ai des qualités et des défauts comme tout le monde. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ça sur le fronton des Compagnons du Devoir, c'est un de nos aînés qui avait marqué ça sur son cahier. L'exemple est la seule preuve de l'autorité. C'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, personne ne m'a démenti et personne ne démentit cette devise. On peut voir que Jérôme Cahuzac n'est pas Compagnon du Devoir, par exemple. Oui, j'ai regardé Top Chef hier soir encore, vous n'y étiez pas, mais l'émission est encore correcte, hein, malgré que vous n'y êtes pas. Il y a un respect incroyable de la hiérarchie en cuisine. C'est-à-dire ça vous change avec ça. Mais oui. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils sont tous à dire chef, à se mettre à quatre pattes devant ceux qui ont réussi, ceux qui ont les étoiles, ceux c'était qui ont la réputation. C'était peut-être pas Top Chef que vous avez regardé s'il y avait des gens à quatre pattes. Non mais je trouve ça fou. C'est-à-dire que c'est encore un milieu où, par celui en qui je crois. Donc par celui en qui je crois, le chef qui est là, qui a eu une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance d'étoile ou de guide, qui s'est anobli, je dirais, dans ce fonctionnement, bien fait rêver, est porteur d'un projet, et effectivement, il y a une forme de respect qui s'installe. Mais pas un poids exagéré, parce que, vous voyez, c'est pas forcément exagéré, mais des personnes qui ne sont pas, je dirais, aguerries à cela, des managers qui n'ont pas guéri ça, peuvent penser qu'ils ont tous les droits. C'est faux. Et vous pensez que c'est lié à la cuisine en particulier ? Non, on a perdu ça, c'est flagrant aujourd'hui parce qu'on vous montre des émissions de cuisine et on voit beaucoup, on parle beaucoup de la cuisine, mais on trouvait ça chez les tailleurs de pierre, on trouvait ça chez les charpentiers, les menuisiers, il y avait une forme, par celui qui sait, par celui, encore une fois, par celui en qui je crois, eh bien, ça nous aidait à nous construire. Et c'était une transmission d'homme à homme. Donc le respect s'installait de fait. Avec toujours ce que vous prenez comme exemple, ce sont des professions liées aux mains, oui, au travail manuel. Et hélas, on a arrêté des années 75, je dirais, aux années 90, on a oublié de parler de ces métiers manuels qui étaient des métiers épanouissants et qui permettaient à des jeunes gens qui, comme moi, étaient en échec scolaire, de pouvoir se construire et de comprendre plus facilement pourquoi fallait à l'école, pas comment fallait aller à l'école, mais pourquoi fallait y aller. Et ce que j'ai trouvé chez les Compagnons des Devoirs et les Compagnons des Devoirs Unis, c'est ça, des gens qui m'ont d'abord montré le geste, et en fonction de ce geste, je me disais, mais oui, c'est intéressant que j'apprenne à lire et à écrire correctement et à compter correctement. Et c'est comme ça que j'ai pu me construire une petite carrière. La carrière se remet en question tous les jours. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de trouver ces cadres éducationnels de départ. La cuisine de haut niveau, c'est RER. Rigueur, engagement, régularité. Oula, bon, bah, c'est ça pour moi déjà. Ça vous paraît très, très dur, mais en même temps, c'est très positif. En même temps, c'est souvent en panne ici. Hein. Et d'où vient ce côté très hiérarchique et ce oui chef et cette obéissance pour que tout roule? Il faut remonter dans les temps assez anciens. C'est le 16e siècle. Il fallait surveiller les cuisiniers. Celui qui savait transformer le produit, qui savait maîtriser la cuisson. Ça, c'était important. Donc, on mettait des officiers de bouche. Les officiers de bouche étaient en charge, en général, des officiers de cavalerie, qui étaient en charge de l'approvisionnement des denrées et de choisir qui des valets était le plus apte à transformer le produit. Donc, il y avait une hiérarchie quasi-militaire qui a continué à fonctionner jusqu'en 1912, où c'est Auguste Escoffier qui explique, dans le grand livre des menus, comment faire un repas de 600 personnes avec 60 collaborateurs en moins de 2 heures. Et il l'explique, c'est tout un acte managérial extrêmement intéressant, sans pression excessive, pour qu'au bout de 2 heures, les convives soient servis. Oui, parce qu'il ne faut pas se laisser ou brider ou tétaniser par l'ordre et la discipline aussi. C'est toute la difficulté de cet entonnoir que devient un service, espèce de bouilloire auquel on aurait bouché les trous. Si c'est trop bouché, ça explose, vous ne savez ni quand ni comment. Lit une bonne marmite de coquillettes et hop là, c'est Nous sommes en compagnie de Thierry Marx qui publie L'Homme Positif chez Michel Lafon. Et on va avoir l'occasion, avec les sujets qu'on a choisis aujourd'hui dans l'actualité, de revenir à votre philosophie un peu managériale, si on peut dire. Notamment, on parlera des comités d'entreprise et du dialogue social. Et en attendant, rien que pour vous, un bond du tronc sur la publicité. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le dessert. Oh! Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. M'essayer c'est ma dureté. Je suis un génie sans bouillir la jouvence de vos sourires. Je roule et roucloule pour vous. Je suis le cactus de Pompidou. Je suis vif comme une tornade blanche, l'ami sincère de vos nuits blanches, celui de vos jours les plus beaux. L'échelle que j'aime, c'est l'escabeau. Oh! Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. Mais si c'est ma tonté. J'ai du velours sur l'estomac et une peau nette comme le satin. Je suis le modèle conforme. Venez donc voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près. Je n'ai vraiment qu'un seul regret, de ne pas être universel à l'école des demoiselles. Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté faire ma propre publicité. M'essayer c'est ma tenté. Pour longtemps je vous garantis l'extrême douceur de mes mains. Je fonds dans la bouche, pas dans la main. Je suis le Dutron désigné. Je suis le Dutron désigné. Je suis le Dutron désigné. Le Dutron qui chante la publicité. En 68, c'était sur l'album Il est 5h. Et il est 5h19 sur France Inter. Et nous sommes avec Clara Dupont-Moneau, avec Nicole Ferroni, avec Guillaume Meurice et le chef Thierry Marx. Et on nous dit sur Twitter, hashtag annule tout, attention à lui, c'est un ancien para, faut être gentil. Et qui dit ça? C'est New Deal qui dit ça. Ah, New Deal, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est bien informé. Bon, salut. Allez, on fait une petite revue de presse à deux voix, Alex. Allons-y. On se met dans le bain de l'actu, c'est parti. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par cette nouvelle qui nous a totalement pris de court. Mais oui, on a tous été complètement déstabilisés par cette annonce. Jean-François Copé a été mis en examen. Mais l'acharnement des juges, et devinez pourquoi, abus de confiance. Quoi. La générosité du bonhomme, il a donné trop de confiance et là on lui reproche. Allez, non, je crois que c'est l'inverse. Il aurait abusé de la confiance de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Non. Ah bah, non, bah, oui, non oui, mais si. Pas Jean-François. Bah, non, mais à qui je vais me fier, moi, si lui. Non. Bah, non, non, bah, non. Écoute, on va passer à Alain Juppé. Voilà un homme de conviction. Il a dit qu'il fallait voter PS plutôt que FN dans le Doubs. Oui. C'est d'ailleurs fou, autant de conviction, parce qu'à l'époque, dans le même cas de figure, Alain Carignan s'était prononcé de la même manière, allant donc à l'encontre du RPR. Et à l'époque, le numéro 2 du RPR, eh bien, l'avait mis dehors, c'est Alain Carignan, pour avoir pensé comme Juppé aujourd'hui. Et qui c'était le numéro 2 du RPR à l'époque ? Alain Carignan a pris une position différente. Je n'ai tiré les conséquences. Il s'est mis lui-même en dehors du Rassemblement pour la République. Aïe, aïe, aïe, Alain, les convictions évoluent. Ah, ah oui, mais voilà, lui, vraiment, il a changé. Oui, a changé. Oui, tout ça a bien énervé Sarkozy, d'ailleurs, hein, qui aurait dit qu'il fallait donc attendre avant de parler et ne pas diviser. Vous ajoutez à ça que ce matin, Rachida Dati a vivement critiqué Nathalie Kosciusko-Morizet. Oh, mais dites-moi, mais c'est la catastrophe à l'UMP. Mais oui, moi, je suis déprimé pour Nicolas qui met toute sa bonne volonté pour avancer. D'ailleurs, souvenez-vous de ce qu'il avait dit il y a à peine un mois dans ses vœux de bonne année. 2015, c'est l'année du travail. Après que 2014 ait été l'année du rassemblement. Ah, mais. J'ai l'impression que 2015 va encore être un peu l'année du rassemblement. Et on va postposer encore un peu l'année du travail. Vous avez été un peu vite, là, je trouve, sur l'affaire Dati-NKM. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, Rachida Dati revenait sur une sortie d'NKM hier matin. Écoutez. Je vous prends un exemple très concret. À Mulhouse, le maire de Mulhouse, qui est un ami, Jean Rotner, me dit que dans sa ville, il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Et oui, mais les enfants musulmans arrivent en retard à l'école à cause de la prière. Bon, après vérification, il s'est avéré que c'était faux. Mais ça, c'est parce que c'est de la jalousie. C'est parce que ces enfants, à elle, à NKM, ils n'ont pas la prière comme excuse pour arriver en retard. Alors, en tout cas, pas la prière sur le tapis. Ça doit être ça. Et donc, nous allons lui proposer des excuses plausibles pour les enfants de Nathalie. Excuse 1. Désolée, la roue arrière du carrosse s'est détachée. Et le temps qu'un gueux arrive en chaise à porteur, on était en retard. C'est tout à fait plausible. Excuse 2. Désolée, le pot de poudre blanche pour farder maman était vide. On a dû aller en chercher un pour être certain qu'elle ne sorte pas avec une trop bonne mine. Mais oui, mais ça marche aussi, c'est plausible. Et une dernière excuse pour les enfants de Nathalie Kosciusko-Morizet. Désolée, mais si on est en retard, c'est à cause de la politique de la ville d'Anne Hidalgo qui fait que Paris est engorgé, qu'on n'y circule plus de manière admissible. Voyez, c'est possible. Tout ça avec la maîtresse va excuser les enfants, c'est sûr. Et tiens, rien que pour Thierry Marx, oui. On termine par le guide Michelin. Mais oui, le guide Michelin a dévoilé hier le nom des grands chefs étoilés. Ah, très bien. On connaît donc le nom de ceux qui vont bientôt vendre des plats cuisinés avec leur tronche dessus dans les supermarchés. Oui, ça dit tout n'a pas été logique dans le guide rouge. Par exemple, c'est idiot d'avoir donné un 3 étoiles à 7. Ou une étoile à Dreux. Ou 2 étoiles dans l'un. Festival de jeux de mots. Mais oui, Thierry Marx, on connaît le nom de. Il y en a certains qui vont faire des plats cuisinés dans les supermarchés, j'imagine. Il y a des options qui vont se présenter à certains, effectivement. Ouais. Il va falloir. Mais on dit ça sans savoir. Vous avez votre tête sur des plats cuisinés dans les supermarchés ? Non, j'ai ma tête sur des pâtes françaises que je défends depuis quelques années et sur une eau minérale que je défends depuis quelques années. Ah, parce qu'il y a des valeurs derrière qui sous-tendent, j'imagine. Oui, et surtout, ça m'aide beaucoup pour le financement des écoles. Ah, voilà. Ah, c'est pour l'argent. Oui, c'est vrai, c'est pour l'argent. Nous sommes en compagnie de Thierry Marx sur France Inter, où il est 17h24 à Paris et à Moutes. Moutes, c'est dans le Doubs. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Premier sujet, l'UMP était fraîchement ressoudée. Et voilà que cet équilibre fragile est brisé par une législative partielle dans la 4e circonscription du Doubs. Les tenants du ni-ni s'oppose à une sorte de front républicain qui n'en est pas vraiment un, attention, parce que voilà, au milieu, il y a Sarkozy qui doit vraiment un, c'est pas bon ce que non, je viens de dire. Non, c'est vrai, c'est ni vraiment un, c'est ni. Bref, au milieu, il y a Sarkozy qui doit confirmer sa position ce soir, parce que ça n'est pas très clair. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Oui, il a vraiment cherché Nicolas Sarkozy, surtout sa voix. Extrait de Pierrot le Fou. Alors, Thierry Marx, aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais tout le monde est un électeur de la 4e circonscription du Doubs. Tout le monde se demande, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais électeur de l'UMP au premier tour qui s'est gaufré et il reste le PS en face du FN au second. Alors, est-ce que vous mettez un peu à leur place? Est-ce que vous posez aussi la question de ce front républicain ou pas? Un enjeu, bien sûr, local, mais enjeu peut-être bientôt global. globale aussi. Pour moi, c'est compliqué. La lecture du monde politique aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un monde politique qui se parle, ils se parlent entre eux. Et à côté, il y a le citoyen qui se dit « mais j'y comprends plus rien ». Il n'y a pas quelqu'un qui aurait un projet au-dessus de la mêlée et qui ferait que ben, ça trancherait enfin. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un projet pour ce 21e siècle dans lequel on est? Et on voit bien qu'il y a des tensions partout, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans les quartiers. On est là à se poser des questions depuis 30 ans sur ce qu'on va faire. Je pense qu'il est temps pour le monde politique, à mon avis, moi je suis qu'un simple citoyen, de se dire, ben voilà, je lève la main, j'ai un projet, avec ses qualités et ses défauts, mais on y va, et dans 2 ans on fait le point, et dans 3 ans on fait un autre point, etc. etc. Et ça nous éviterait ce genre d'écueil, de se dire, est-ce qu'il faut aller vers l'un, est-ce qu'il faut aller vers... Mon Dieu, trouvez-nous quelqu'un qui a un projet, et allons de l'avant. Parce que là... on ne s'en sort pas. Alors là, on est dans le concret, le pragmatique, mais est-ce que le politique doit aussi avoir une sorte de vision. Et forcément, politique va avec stratégie. Et là, le côté faire front, tout sauf le FN, c'est aussi une question de vision. C'est aussi une manière de se mettre au-dessus de la mêlée, peut-être, et de se dire, tiens, quelle vision, qu'est-ce qu'il faut insuffler oui, comme valeur. Il faut faire confiance à l'électeur. L'électeur, il attend un projet simple, avec plus des mots valises. Des mots fourre-tout, des fronts républicains, on en veut. Mais il y a quoi dedans? C'est joli, mais il y a quoi dedans? La recette, vous voulez. Vous savez, dans des quartiers, souvent où on est en tension, on se dit, mais on ne vous entend pas et on ne vous comprend pas. Donc, quand vous dites front républicain, ben moi j'ai envie d'un front républicain, bien sûr. Contre qui? Mais non, mais c'est un truc pour les Français, entre nous, voilà le projet. Et mais dans ce projet, il y a quelque chose. Le front républicain, le concept de front républicain, au fond, il n'aura tenu dans la vie politique française qu'une grosse dizaine d'années. Il y a eu le front républicain en 98 avec Chirac, en 2002 avec la gauche, et c'est tout, en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, alors ce serait un front républicain contre qui? Ils ne sont pas républicains en face, ce ne sont pas des gens qui ont envie de voter, l'idée qui ont envie de changer. De revenir au congrès, au concret plutôt et au projet, bien sûr. Éviterait ce genre de jus de cerveau. Quoi. Voilà, l'urgence c'est le projet, que le monde politique arrête de se parler entre personnes qui font de la politique. Moi, j'ai une question pour aujourd'hui, vous. C'est inaudible. Si quelqu'un a un beau projet, enfin vous trouvez que c'est un beau projet, est-ce que vous pourriez sauter dans la charrue et dire je viens avec vous? Ah oui, bien sûr. Oui, mais en tant que citoyen, en tant que votant. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais je n'ai pas vocation à être un homme politique, je ne sais pas le faire. Non, parce que je trouve que vous parlez bien, vous avez l'air d'avoir des projets concrets. La question, c'est surtout, est-ce qu'on peut sauter dans une charrue? Oui, je sais pas, j'avais envie d'imaginer une belle charrue. Mais très honnêtement, je suis ouvert au discours politique, mais encore faut-il le comprendre. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Des projets à 10 ans, oui, d'accord. Le problème, c'est que la politique, c'est complexe. Et quelqu'un qui arrive avec un projet simple, par exemple Marine Le Pen, elle a un projet simple, sauf qu'elle dit, c'est de la faute des immigrés. Donc on comprend. C'est pas un projet, ça. Vous dites la politique, c'est complexe. Virer les immigrés, en gros. Ouais. Je dis, vous dites la politique, c'est complexe. Je suis d'accord avec vous. On l'a complexifié. À mon avis, moi, en tant que simple historien. D'ailleurs, vous voyez bien que le discours politique, quand il est très simple, il est entendu. Quand vous dites, il est dit par tel parti, c'est de la faute des immigrés. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est compréhensible par un certain nombre de gens. Aujourd'hui, on a tellement complexifié le discours politique, on cherche à chaque fois des coupables, jamais des solutions. Alors, amenons des politiques qui ont des solutions et avançons. Et vous allez voir que tout va se clarifier pour le citoyen. En tant que citoyen, je ne comprends pas le discours politique. Je ne peux pas lire une. Si c'est de la faute du voisin, c'est à chaque fois de la faute de l'autre voisin. Alors, vous dites, mais et en plus, ce n'est pas nous qui allons clarifier les choses dans cette émission. C'est moi qui vous le dis, Thierry Marx, vous l'aurez compris. Hein. Et je rappelle que dans L'homme positif qui paraît chez Michel Lafon, dont vous êtes l'auteur, vous dites notamment quelque chose que vous avez compris chez vos parents et vos grands-parents. L'ascenseur social est un leurre, il n'existe pas. En réalité, d'ailleurs, dans les cités, personne ne prend jamais l'ascenseur. Il est toujours en panne. Et en revanche, vous croyez dur comme fer à l'escalier social. Voilà ce qu'on vous conseille comme lecture. Vous prenez l'ascenseur, c'est l'endroit qui sentait le plus mauvais. Vous risquez de vous faire casser la gueule et en général, il tombait en panne. Et prenez l'escalier, c'est dynamique. L'escalier est haut en démarche. En haut des marches, il y a Nicole Ferroni aujourd'hui. Oui, prenons de la hauteur avec vous, Nicole. Moi je voulais, dans le cadre du débat qui se fait là autour de la loi Macron, j'avais envie qu'on parle un petit peu des marmottes parce que c'est que finalement, autour du projet de loi de notre ministre de l'économie, on a entendu beaucoup d'experts financiers, politiques, sociétaux et très peu de de marmottes. Donc je pense que ça simplifiera le débat. Parce que c'est vrai que les marmottes sont quand même, je pense, les personnes les plus renseignées pour nous parler de ce projet de loi. Alors, pas tant sur les professions réglementées, parce que marmotte, ce n'est pas une profession réglementée. Ce n'est même pas d'ailleurs une profession tout court. C'est une prophétie, c'est une destinée, un destin. On est ou on ne naît pas marmotte. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que je voulais leur demander leur avis. C'est plutôt dans le cas de l'amendement du secret d'affaires retiré la semaine dernière et qui prévoyait que quiconque prend connaissance ou révèle ou détourne une information protégée au titre du secret des affaires, à savoir une information à valeur économique, était passible éventuellement d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Donc autrement dit, un lanceur d'alerte économique ou fiscale aurait pu être condamné pour avoir été lanceur d'alerte. Et quand on regarde justement les marmottes dans l'exercice de leur fonction en tant que lanceur d'alerte, parce que vous savez que les marmottes sont quand même spécialisées dans le lancement d'alerte, hein, c'est-à-dire lorsqu'un prédateur s'approche, elle pousse des petits cris stridents, un petit peu comme les fans d'Alex Vizorek quand elles le croisent. Et ces petits cris stridents, en prévenant la communauté de la présence d'un prédateur, invite tout le monde à se mettre à l'abri pour éviter celui-ci, un peu comme nous avec le Mediator. Il y a un lanceur d'alerte qui a crié alerte au Mediator et on s'est tous cachés pour éviter ce prédateur. Et quand on regarde les marmottes dans leur pratique de lancement d'alerte, on constate que comme pour nous, toutes les marmottes n'ont pas la même propension à être lanceuses d'alerte. Certaines le sont un peu, beaucoup, passionnément, et d'autres pas du tout ou très peu. Et du coup, des chercheurs américains ont essayé de voir si cette différence d'aptitude à lancer des alertes était conditionnée par la popularité de la marmotte. Donc, ils sont allés dans une colonie de 146 marmottes dans le Colorado et ils sont allés mesurer la popularité de chaque marmotte, alors en consultant leur page Facebook, qui avait le plus de likes, de partages, tout ça, en demandant aux marmottes si elles s'appréciaient les unes les autres. Marmotte numéro 8, est-ce que vous aimez bien la numéro 17? Si oui, combien sur une échelle de 1 à 10? Non, en fait, pas du tout. La popularité d'une marmotte se mesure au contact tactile qu'elle établit avec ses voisines par des petits câlins par le nez. Donc plus une marmotte est câlinée, plus elle est populaire. Et si on en croit les résultats de l'étude publiée dans la revue Behavioral Ecology, qu'article vous pouvez aussi lire dans Science et Avenir si vous êtes moins swag, les marmottes qui donnent le plus d'alerte sont les marmottes les plus impopulaires. Hein, donc ce sont les moins populaires qui préviennent les autres. Alors c'est étonnant parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit l'inverse, à ce que ça soit au contraire les marmottes fédératrices qui s'occupent de ça, un petit peu comme Charline quand elle dit vite, planquez-vous, il y a le directeur d'antenne qui va venir nous voir, et paf, on se planque tous sous son cri d'alerte. Et ben non, chez les marmottes, ce sont les plus marginales, les plus exclus, les plus parias, les plus Guillaume Meurice en quelque sorte, qui se chargent de tout ça. Alors pourquoi? Et ben l'une des hypothèses majeures, c'est qu'en poussant justement des cris d'alerte, elles participent à la protection de la colonie et peuvent donc espérer être mieux intégrées au sein de celle-ci et être davantage. Donc intégrés. Exactement comme pour leurs cousins rongeurs, le capybara, où les mâles finalement les plus soumis sifflent plus que les mâles dominants, alertent plus, et en participant activement à la défense de la colonie, augmentent leur statut social et ont plus de chances de se reproduire. Alors je dis pas que dans le cadre de la loi Macron, il faudrait donner plus de chances de se reproduire aux lanceurs d'alerte, en leur donnant plus accès à des femelles. Je dis juste qu'il me paraît quand même plus logique que quelqu'un qui, comme une marmotte exclue, participe à la survie de la communauté en la prévenant d'un danger, ce serait plus logique qu'elle soit récompensée, appréciée pour son geste de bravoure, au lieu de se retrouver punie, exclue, comme l'aurait prévu cet amendement secret d'affaires. Heureusement, bien sûr, cet amendement n'a pas été maintenu et cette mésaventure nous aura quand même permis d'avoir un scoop, puisque sans le savoir, en proposant cette loi contre nature, Emmanuel Macron nous a bien prouvé qu'il n'était pas une marmotte. Merci Nicole Ferroni pour ce point de vue scientifique et le lien entre les marmottes et Emmanuel Macron. L'animal a tout à nous apprendre. Mais oui, nous sommes en compagnie de Thierry Marx dans Si tu écoutes, j'annule tout jusqu'à 18h sur France Inter. Nous sommes avec l'homme positif, donc restez avec nous. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you wanna get it in your mattress. You scarred off the noise, that's a niceness. Life is a very common crisis, everything's in order in a black hole. Is anything as pretty as the past though? A bloody man is like an Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Vous êtes sur France Inter. Exactement. Et bon, quelqu'un sur hashtag Anoultou nous dit Marx et Meurice dans la même émission, il manque plus que Mélenchon. Et mais qui est ce quelqu'un aussi pertinent? Ce quelqu'un, c'est Shiva. Ah, enfin, voilà, mon avis, c'est pour le duo en question. Nous suit sur Twitter. Voilà. Et oui, nous sommes en compagnie de Thierry Marx. Et on va parler avec vous des comités d'entreprise qui fêtent leurs 70 ans. Vous tenez à créer du social et du positif aussi dans l'entreprise, dans les groupes, dans le vivre ensemble. Et c'est un sujet qui a intéressé Guillaume Meurice, Thierry Marx, et ce serait intéressant d'avoir votre débriefing là-dessus, je pense. Attention, attention Guillaume Meurice, vous êtes très écouté. Alors j'ai la pression, et oui, en effet, je me suis intéressé à la journée du dialogue social, événement qui avait lieu aujourd'hui dans le quartier de la Défense. Alors, parler dialogue social à la Défense, hein, c'est un peu comme parler Côte de Port et droits des femmes chez Al-Qaïda Yémen, mais bon, je m'y suis rendu quand même pour y dialoguer avec donc des salauds de patrons. Ce que je fais tous les jours, hein, puisque je dialogue beaucoup avec les miens de patrons, Charline et Alex, malgré la barrière de la langue, hein, bien sûr. Bah ouais, c'est vrai que la dernière fois qu'ils m'ont dit d'envoyer un tweet, j'ai compris qu'ils voulaient manger une truite, mais on dialogue, on y arrive. D'ailleurs, puisqu'on parle accent, allons voir un entrepreneur du Sud-Ouest. Je suis effectivement le patron. Alors nous, le dialogue social, on l'articule autour de d'un verre de vin, un verre d'armagnac et un peu de foie gras. Donc, il s'arrête là. Donc, les réunions se règlent à coup d'armagnac. Alors, pas qu'à coup d'armagnac, parce qu'on n'a pas que l'armagnac dans notre sud-ouest, mais effectivement, on arrive toujours par cette passerelle-là. Ouais. Voilà, c'est une bonne technique, une technique du sud-ouest, Kong. Alors, le dialogue, ça passe aussi par savoir reconnaître ses torts et ses défauts. Par exemple, quel est le principal défaut de ce patron d'une boîte de comptabilité? Très bonne question. Trop perfectionniste. Ça, c'est un sacré défaut. Ça peut être un défaut. Mais un vrai défaut. Solitaire, je n'aime pas diriger, en fait. Donc, je leur laisse une grande autonomie. Et des fois, par certains, ça peut être un peu pesant. Voilà. Et voilà, voilà un vrai défaut. Il laisse trop d'autonomie à ses salariés, qui du coup le vivent mal, hein, c'est logique. C'est vrai que les salariés aiment qu'on leur mette une pression de dingue toute la journée. Le salarié aime être poussé à bout. Le rêve du salarié, c'est quoi? C'est de se foutre en l'air, de mourir à son travail, tel un employé de France Télécom ou d'Al-Qaïda Yémen. D'ailleurs, quel est le principal défaut de ce patron d'une boîte d'événementiel? Mon côté bulldozer, voilà. Ah, c'est-à-dire? Peut m'arriver de pas faire très attention à ce que à la sensibilité de certains de mes salariés. Vous les faites pleurer? Non, très rarement. Ah, très rarement quand même. Bel aveu. Bon, je vais arrêter avec les patrons. Hein. Je ne veux pas à nouveau passer pour ce dangereux gauchiste qui fait tant peur à Clara et qui l'excite en même temps, bien sûr. Qui fait pitié. Je suis aussi allé voir des salariés, notamment un salarié de la Matmut, à qui j'ai posé la question qui s'impose. Pourquoi Chevalier Laspalès? Je pense que notre président, Monsieur Avis, je pense qu'il doit être sensible à ces deux acolytes. Est-ce que c'est une technique de com basée sur le harcèlement moral? Alors là, il faudra voir avec notre président pour savoir s'il a envie d'en changer. Mais pour l'instant, c'est pas dans les bruits de couloir. Parce que si un jour, il y en a un qui s'énerve et qui tue Chevalier Laspalès, moi, j'ai pas envie de me trimballer avec une pancarte. Je suis Chevalier Laspalès, vous comprenez? Bah, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait le djihad veuille les tuer. Donc, je pense que symboliquement, ça sera peut-être quelqu'un qui en aura marre de les entendre, tout simplement. Eh oui, hein, tout simplement. Et il plaidera la légitime défense et il gagnera, certainement. Mais revenons à ce qui nous préoccupe, donc le dialogue social. Quel est le principal défaut de ce salarié d'une agence de voyage? Alors, mon défaut, c'est que peut-être que je n'écoute pas assez mon patron qui a une vue globale. Ça, c'est quand même un défaut. Ça, c'est un défaut de Fayot, un peu. Non. Donc, quel est le principal défaut de votre patron? Le principal défaut, c'est de dormir avec son téléphone portable et son ordinateur. Hein. Ça aussi, c'est un défaut de Fayot. Ça veut dire qu'il a que des qualités. Non, c'est pas un défaut de Fayot. Non, c'est pas un défaut de Fayot de dire que son patron, il est toujours dispo parce que c'est le plus fort des patrons. Demandons à une salariée qui travaille dans le domaine de l'édition. Mon principal défaut, c'est d'être trop engagée, passionnée, dire ce que je pense. Bon, alors dites ce que vous pensez de votre patron. Je pense qu'il est à la fois humain et à la fois... Non, mais c'est vrai, parce qu'on défend des valeurs, mais à la fois, c'est un patron. Oui, donc c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a quand même de la pression, il y a quand même des objectifs, il y a quand même... Il est chiant. Non, je ne pense pas ça. Bah, il est où le franc-parler alors? Oui, j'ose pas le dire. Ah, ben voilà, bel exemple hein, de franc-parler et de courage. À côté de Che Guevara, c'est Jean-François Copé. Terminons avec un salarié d'une chocolaterie. Je suis assez pugnace et difficilement, je change difficilement d'avis. Et il me faut vraiment beaucoup d'arguments pour que je change d'avis. Ouais, mais ça, c'est pas un défaut, pugnace. Justement, c'est bien pour vous dans votre métier. Alors oui, en tant que commercial, c'est sûr que vaut mieux être convaincant et faire preuve de persuasion pour vendre ses produits. Ah, voyez, vous dites que vous êtes pugnace et vous venez de changer d'avis. Non, dans le sens où, mais c'est difficilement, il faut faire preuve de beaucoup d'arguments pour me faire changer d'avis. Bah non, j'ai juste dit que vous n'étiez pas pugnace et hop, vous avez changé d'avis. Non. Eh ben si, mon grand. En tout cas, c'est pas à moi que ça arriverait de changer d'avis. Je maintiens que mes salauds de patrons, Charline et Alex, sont des gens tout à fait formidables et qu'avec eux, à mon travail, je ne suis pas prêt de me suicider. Merci Guillaume Meurice. Thierry Marx, vous avez écouté attentivement. Alors, on parle de valeur de l'entreprise, on encense son patron, le franc-parler, c'est aussi nécessaire dans le dialogue social, non ? Je ne crois pas que ce soit uniquement ça. Je crois que l'important aujourd'hui pour le monde de l'entreprise, c'est de recréer de la communauté. Savoir avec qui je travaille, pourquoi je travaille, l'environnement social dans lequel on a à intervenir, à s'épanouir. On aide l'entreprise à s'épanouir et à atteindre ses objectifs. Mais ce qui est important, c'est aussi de profiter de l'épanouissement de l'entreprise et que l'entreprise renvoie l'ascenseur, pas uniquement d'une façon numéraire, mais aussi d'aider le collaborateur à se construire pour le futur, pour son futur. Ça me paraît important. Et on a parlé des comités d'entreprise. C'est vrai qu'à 70 ans, ça pouvait faire rire un petit peu... Il y avait beaucoup d'argent, ça fonctionnait plutôt bien. On réclamait plus de places de cinéma, une meilleure cantine, etc. etc. Mmh. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mission pour les comités d'entreprise, c'est de travailler sur la formation professionnelle, sur l'intégration des collaborateurs et de les aider à s'épanouir. Ça aussi, c'est important. Il y a des entreprises, par exemple, qui développent des écoles en interne pour le français, pour l'anglais. Vous pouvez avoir à vous séparer d'un collaborateur un jour, mais... Vous ne devez pas avoir à rougir de ça si votre collaborateur part sur une autre mission, une autre envie. Et oui, et ça, c'est parlons important. Du comité d'entreprise justement, qui crée du dialogue social, comme vous venez de le dire, qui a des missions, mais pas que quand il organise des pots de départ. On ne se connaît pas bien, mais je sais que vous êtes un homme de valeur. C'est le moment pour vous de nous quitter, de prendre une retraite amplement méritée. Vous ne le savez peut-être pas, Serge. Ils ne vous l'auraient plus, certainement pas dit eux-mêmes, pour leur pudeur, mais ce sont vos collègues qui ont eu l'idée originale d'organiser ce petit pot d'adieu. Ça vous rappelle quelque chose, oui, Thierry Marx ? Oui, ça me rappelle le pot de départ de... C'est extrait du film Mammouth. De Mammouth, oui. Exactement ça. Oui. C'était ça, bien joué. Il y a quelque chose d'important, c'est un type qui était passionné de son boulot finalement, c'était un vrai bon boucher, et il va dans l'ancien supermarché et il demande les variétés de jambon, et le type lui dit « j'ai pas un master en jambon ». Entre un type qui n'a rien à foutre du boulot. Mais j'ai trouvé cette scène... Oui. De recevoir un collaborateur avec qui on a partagé 20 ans de sa vie ou 30 ans de sa vie et de le faire partir comme ça, de façon assez moche, avec un discours inapproprié, je trouvais ça assez médiocre en termes de management. C'est un extrait qu'on s'est regardé ce matin au bureau, revoyé à un Mammouth de Gustave de Kervern, c'est un très beau film. Alors, il y a un dossier dans Libération, alors c'est rigolo parce que dans ce dossier, il y a la reproduction d'une affiche. Yves Montand offre une soirée aux travailleurs chez Renault, c'était en 1953. Et pour la petite histoire, finalement, le concert d'Yves Montand chez Renault sera annulé après l'annonce de la mort de Staline, le 5 mars. Alors, on réexplique que le CE, qui fête ses 70 ans, c'est une promesse de dialogue social et de démocratie sociale. Et donc, vous disiez, ça ne remplit pas complètement son rôle. Non, quand il se borne à réclamer des choses qui sont assez futiles par moment, ça ne rend pas service. Quand il exerce tout son savoir-faire pour aider le salarié à s'épanouir dans l'entreprise, voire avoir un projet à l'extérieur de l'entreprise, ça, il me semble que c'est intéressant. C'est un avis de patron que vous donnez là. C'est un avis de patron et un avis de salarié. Mais une entreprise, c'est des rouages. Si ces rouages s'irritent, et ça s'irrite au quotidien, des rouages, eh bien, il faut quand même y mettre un peu d'huile. L'huile, c'est quand même le comité d'entreprise qui va faire que ce dialogue social va permettre au quotidien aux gens de s'entendre. Au mandarin oriental, il y a des comités d'entreprise ? Il y a un comité d'entreprise, il y a une élection de comité d'entreprise, ça n'a pas répondu. Et finalement, on en a instauré un, de fait. Et nous avons des personnes qui sont en charge de ce qui ne va pas bien. Vous savez, dans cette société, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a des gens qui arrivent au travail, qui sont des travailleurs pauvres. Malgré leur salaire, ils n'y arrivent pas. Donc il faut aider, et ça l'entreprise ne sait pas le faire, il faut mettre en place dans l'entreprise des personnes qui soient capables d'accompagner ces personnes en difficulté pour qu'elles n'aient pas de problème dans l'entreprise, mais pas non plus de problème dans leur vie au quotidien. Mmh. Je prends des jeunes gens qui, un commis de cuisine à 19 ans, gagne 1 300 € net par mois, ne se loge pas à Paris, le 15 ou le 20 du mois, c'est une grande difficulté, il faut les aider sur cet aspect social. Et d'où le titre de cet article de Libération, une institution charnière et avant 36, il n'y avait rien pour représenter le personnel. On n'a plus aucune idée de ce que ça devait être, mais évidemment, mais il n'y avait rien de rien avant 36 qui représentait le personnel. Ah oui, le comité d'entreprise. Mais vous voyez, il y avait un point sur le syndicalisme. Le syndicalisme, à un moment donné, a perdu pied, c'est pas vraiment repéré. Oui, il l'a pas forcément retrouvé d'ailleurs. Prenez la CGT chez je suis bien d'accord. La CGT chez Renault instituait des cours sur l'illettrisme, sur apprendre à lire aux ouvriers, les aider à s'épanouir. Ça, c'est extrêmement important. Parce que quand les entreprises se contractent, elles sont obligées de licencier, et ça peut arriver dans un système économique mondial comme dans lequel on est, eh bien, il faut que les personnes puissent rebondir et puissent avoir cette adaptabilité. Évidemment, je comprends la frustration de certains ouvriers de dire, j'ai travaillé 20 ans pour cette boîte, on ne m'a rien proposé en termes de formation, on n'a pas pensé à mon projet personnel, et maintenant, je suis à la rue. Ça, c'est scandaleux. Et donc, les comités d'entreprise nés du programme du Conseil National de la Résistance en 1944. Et toute cette philosophie et ces projets aussi que vous portez, Thierry Marx, on les retrouve dans L'Homme Positif, paru chez Michel Lafond. Un livre, et il en est question avec Clara Dumont-Monod aussi, d'un livre ou de littérature, et ou voilà. En tout cas d'un sujet attenant à la littérature. C'est ça. Car l'actualité, Charline, c'est aussi l'Ukraine. Puisque ce week-end, voilà. Les États-Unis ont envisagé de livrer donc des armes à l'armée ukrainienne face aux séparatistes pro-russes qui, eux, sont fournis en armes par Moscou. Alors, on l'a tous vu, on l'a tous compris, les pourparlers sont au point mort, les négociations n'avancent pas. Heureusement, il reste la littérature. Les livres permettent de comprendre un peuple, et justement, voici ce que pourraient lire les soldats russes pour comprendre leurs frères d'armes ukrainiens. C'est un roman qui est complètement barré, qui vient de sortir en France. Il s'appelle Perversion. Il n'est pas préfacé par Alex Vizorek, malgré le nom du livre. Il est signé Youri Andrukovitch et il est paru aux éditions Noir sur Blanc. Alors, Youri Andrukovitch, il faut le savoir, c'est l'enfant terrible des lettres ukrainiennes. C'est une des figures les plus populaires en Russie, c'est aussi une des plus turbulentes. Il a fondé un groupe littéraire qui s'appelle Boubabou, c'est-à-dire burlesque, balagan, bouffonnade. Le balagan étant, comme chacun sait, la cabane des peuples nomades de Sibérie. Et donc, il écrit des romans super perché. Alors par exemple, Perversion, donc c'est le dernier. Je ne vais pas essayer de vous le résumer parce que vous composeriez le 15, mais disons que le point de départ, c'est un homme qui disparaît. Alors ça, l'Ukraine connaît bien, et c'est comme la littérature argentine qui a connu la férule militaire. La littérature, elle est pleine de gens qui disparaissent, comme par hasard. Alors notre homme dans Perversion, il disparaît alors qu'il était invité à un grand colloque organisé à Venise. Le thème est, je cite, « l'absurdité post-carnavalesque du monde ». Échantillon du programme du séminaire qui s'étend sur plusieurs jours. Samedi 6 mars, ouverture solennelle du séminaire, toast général, les hôtesses vous invitent à danser. Communication introductive, le monde après tout et avant tout, par Leonardo di Casaligra, médecin-chef du département de mélange sanguin de l'université secrète de Venise. N'importe quoi. Dimanche 7 mars, possibilité de bain avec les hôtesses, discussion vertigineuse, boisson du jour, vodka absolue. Lundi 8 mars, atelier massage des organes blessés, discussion avec les intervenants ou sans eux, boisson du jour, Johnny Walker. Et enfin, enfin, mardi 9 mars, badminton avec les hôtesses, fumette collective dansant, alors dansant, pas on danse, mais dansant E-N-C-E-N-S, ah oui. Transition vers la critique de la raison pure, pas de débat, boisson du jour, Tsuika, c'est de l'alcool de prune, cuvée Gorbatchev. Fin de citation. Donc ça vous donne une idée quand même du côté complètement délirant de ce livre. Alors évidemment, les participants au séminaire se présentent, alors ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas bienvenue, ils disent j'ai des boissons glacées, j'ai ma propre maison d'édition, j'ai une valise de préservatifs. Parfois, dans ce texte, la page... Il y a un rapport avec Alex Vizorek, là, mais je n'osais pas le dire, oui, mais voilà. Évidemment qu'il y en a... Parfois, le texte en fait, se scinde en deux, et en fait, c'est la même scène racontée par deux personnages différents, donc par deux points de vue différents. Et il y a aussi des poèmes d'amour. Je vous en cite un. « Ada, où es-tu, Ada? Qui es-tu? Oh, Ada. Ada, je suis bas. Ada, je suis là. Ada, je suis flagada. Flagada, dada. Tu es malada, Ada. Mon autostrada. Nada, sinon Ada. Shabada. Voilà. » Alors, excusez-moi, quelle drogue vous conseillez pour la lecture de ce mais livre? Mais c'est formidable. En tout cas, n'essayez pas les poèmes avec moi. Ça risque de ne pas marcher. Alors, en tout cas, ces pages délirantes prouvent plusieurs choses. D'abord, que le surréalisme n'est pas mort. Alors, André Breton disait que le surréalisme était surtout un mouvement révolutionnaire. Et comme par hasard, un écrivain ukrainien, s'il doit choisir un mouvement littéraire, et ben c'est celui-ci, c'est le mouvement révolutionnaire. Et ensuite, ce texte montre que la littérature peut être aussi déglingue et aussi revigorante finalement qu'un morceau de heavy metal. Voilà, c'est la littérature heavy metal. C'est une littérature qui n'a pas peur de l'excès. Alors moi, ça j'aime beaucoup, hein, mais qui se moque de l'outrance et qui torpille tous les codes. Je vous cite juste un autre écrivain ukrainien qui s'appelle Andrei Kourkov et qui a pris comme héros de ses romans un pingouin. On pourrait citer aussi, et c'est un roman hyper réussi, on pourrait citer Lina Kotsenko, qui est une grande dame des lettres ukrainiennes, qui a été censurée plusieurs fois, qui a écrit un roman historique uniquement avec des vers et qui a refusé le titre de héros de l'Ukraine en disant « je ne porte pas de bijoux politiques ». Quand même méga classe. Mmh. Donc, si les soldats russes aiment les caractères frondeurs et s'ils ont envie de se marrer, eh ben qu'ils se penchent sur la littérature de leurs ennemis. Pour l'armée russe, je redonne les références. Perversion de Yuri Andrukovitch, c'est paru aux éditions Noir sur Blanc. Merci Clara Dipomono. Et on retrouve toutes ces références, bien sûr, sur franceinter.fr, parce que pour noter, c'est pas toujours évident, surtout si vous rentrez du boulot en voiture. Sait-on jamais, car il est 17h52 sur France Inter et à Crouzet-Miguette, c'est dans le Doubs, où on écoute France Inter sur 98.7 et avec Thierry Marx, comme on passe l'actualité, on la coupe en julienne, hein, et on lui met la rate au courbouillon. On va aborder le troisième sujet, attention, troisième sujet qui n'est ni le sujet 1, ni le sujet 2, hein, vous l'aurez compris. Les postiers vont pouvoir s'improviser inspecteurs du permis de conduire. Article 9 de la loi Macron, article tout neuf d'ailleurs, hein, il a été voté vendredi. La Poste, elle, sait tout faire, c'est une valeur sûre du service public. Nous allons donc confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT. Je n'ai jamais pensé à ça. Et ben voilà. Ça, c'est une fameuse idée, les PTT. Vous êtes sûr qu'on ne risque rien? Rien. Sauf une grande surprise. Mais alors là, messieurs... Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses. Ah, Thierry Marx, vous êtes incollable. Sur Audiard, oui. Ouais, ouais. J'adore. Et ouais, Jean Gabin, Dialogue Michel Audoir. Le CAF se rebiffe, effectivement. Alors, il y a des départements où l'attente pour passer le permis, c'est jusqu'à 98 jours, parfois beaucoup plus en Île-de-France. On a le temps de tout oublier. Hein. Et voilà. Et donc, les postiers, le service public a mis à cette sauce-là. Voilà, les postiers vont pouvoir remplacer les inspecteurs du permis de conduire. Thierry Marx, ça donne l'impression que les salariés sont interchangeables, que les postiers sont des couteaux suisses. Enfin, ils ont que ça de Suisse, apparemment, déjà. Non, mais la polyvalence des collaborateurs, ça peut être quelque chose d'intéressant, si c'est encore une fois, si c'est un projet. Moi, la Poste, vous l'avez entendu dans le dialogue d'Audiard, ça m'amuse beaucoup, c'est quelque chose de très français, qui fonctionnait très très très bien. Une fierté qui avait, même, alors. C'était une fierté. C'est un vrai réseau social, on l'oublie, mais c'est un vrai réseau social. Et comme tout citoyen, moi, je serais prêt à payer un peu plus cher un certain nombre de services pour aller concurrencer des compagnies qui se sont montées, qui sont des compagnies étrangères, qui se sont créées sur notre sol, or que la Poste avait cette capacité à savoir le faire. Alors, il aurait peut-être fallu proposer à ces postiers de dire « Croyez pas qu'on peut moderniser ensemble l'outil La Poste, pourquoi pas devenir... inspecteur du permis de conduire, pourquoi pas? Mais c'est un projet parmi tant d'autres. Or, qu'il y avait une très jolie entreprise qu'on peut continuer à faire, à devenir, à rester un modèle et à faire s'épanouir sur le sol français, voire à l'extérieur, parce que c'était quand même des compétences qu'on nous enviait. Ah oui, oui, oui. Et pourtant, du lien social, bon, il peut y en avoir encore, puisque il est question pour les postiers de livrer des médicaments, de collecter le papier à recycler et de relever les compteurs électriques. Il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses à faire pour les postiers, et notamment un service sur mesure pour vous livrer vos colis, vous recommander, un travail sur les personnes en difficulté de mobilité, etc. etc. C'est une entreprise absolument incroyable, incroyablement créée pour la modernité. Et on s'inquiète de l'arrivée des mails en 1997. La mise en réseau, c'est 1997 des ordinateurs. Et on s'inquiète hier, en 2015 de se dire qu'est-ce qu'on va faire de nos postiers. Et écoutez, la poste et puis les télécoms aussi. Hein. Nous, on a un téléphone avec un répondeur au bout. 01 56 40 69 51. On va vous lancer des thèmes. Tiens, réagissez comme Thierry Marx. Inventez des services pour les postiers. Parce que là, il y a de l'imagination. Hein, ça, c'est possible. Ou alors, tiens, réagissez sur le procès des SK Carlton ou le procès Bettencourt. On est à votre écoute. Alex Vizorek, vous êtes chaud pour une deuxième revue de presse bouillant. Oui. What do you want? Yes. No problem. Need to know. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets? Again the no. Et on commence par les élections à la CGT. Philippe Martinez est élu à la quasi-unanimité comme successeur de Thierry Le Pen. Oui, Philippe Martinez a prêté serment cet après-midi sur un catalogue Castorama, hein, promettant qu'un simple pot de chambre lui suffirait comme toilette. Hein, en tout cas, il nous manque déjà, Thierry Le Pen, ses combats, ses convictions et ses discours. Voilà, c'était parce que... Nicole Ferroni, qui est avec nous, la spécialiste scientifique, nous valide cet impan. C'est un pan, hein, c'est un pan, et voilà. C'est la dernière fois, et on Merci. Savait que ce serait la dernière fois, donc oui, c'est voilà, ça, c'est il ça. Fallait passons la faire. Passons plutôt à une bonne idée marketing, oui, Alex. La marque Hasbro, pour fêter les 80 ans de son jeu mythique, le Monopoly, a remplacé ses traditionnels billets fictifs par de véritables euros dans 80 boîtes seulement. On attend avec impatience les 80 ans du Cluedo. Et on termine par une info dont vous avez le secret. Oui, titre fort, Los Angeles, Ricardo Medina Junior, un ex-Power Rangers soupçonné d'avoir sabré son coloc. Bon, alors son visage vous dit rien au bonhomme, mais c'est un acteur, hein, parce qu'il était caché derrière le costume de Power Ranger, j'ai vérifié, c'est le rouge. Et puis il a prêté sa voix au Power Ranger Samurai, et le problème c'est qu'il est resté dans le rôle, et que donc il est passé son coloc. Je suis désolé, mais c'était une information aussi. Clara Dupont-Mono n'a rien compris. C'est un type qui a joué genre le Bioman et puis pouf, il a coupé son goloc. Elle ne connaît pas Power Rangers. Elle n'a aucune culture en Power voilà. Rangers. Oui, ça doit être ça. Alors, on nous en fout de plein la gueule avec ces trucs ukrainiens, là d'accord. Non. Quand on parle Power Rangers, ça pue personne. Je suis plus Sam Kukai que Power Merci. Rangers. Merci. Alors, on était en compagnie de Thierry Marx. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'homme positif. Le sous-titre, Savoir être pour durer. C'est paru chez Michel Lafond. Et tiens, vous citiez notamment George Washington qui disait Soyez poli envers tous, mais intime avec peu et choisissez-les, vos collaborateurs, c'est ça, hein, bien avant de leur faire confiance. Oui. George Washington, donc la philosophie et la vision du management et plein de leçons de vie de Thierry Marx dans cet ouvrage. Et pour soutenir vos écoles, où est-ce qu'on peut aller voir peut-être sur le site internet? Alors, vous avez... le site internet de la mairie du 20e, ça s'appelle Cuisine Mode d'Emploi ou Boulangerie Mode d'Emploi. Ce sont des formations en 12 semaines, des formations qualifiantes avec un diplôme d'État. Et en général, à la fin de votre formation, c'est quasiment acquis, vous avez un emploi. Merci Thierry Marx. Allez, le mot de la fin est dédié aux instructeurs du permis de conduire. Y a pas qu'à la poste là.